Zygomar, par Léon Sazy. Livre troisième, L'heure de la justice. Chapitre premier, Le poète est indiscret. Cet admirable poète précurseur, Antilme souffrait, était incontestablement, et selon son affirmation, un génie extraordinaire, unique en poésie. Il ne se sentait vraiment dans son élément que quand il voyageait dans les plus hautes régions de l'éther. Il planait comme un aigle. Mais dans le terre-à-terre banal de la vie de simple mortel, il se montrait d'une naïveté et d'une candeur stupéfiantes. Si peu de personnes, parmi les mieux douées, parvenaient à comprendre ses poésies compliquées. Lui, cet être de génie, n'entendait rien aux choses les plus simples de la vie courante, et il demeurait absolument désemparé, comme un aigle qu'on aurait plumé, quand l'événement auquel il se trouvait mêlé prenait une tournure dramatique. Maintenant, deux ou trois semaines après le vol du collier de la baronne, il ne parvenait pas, à cause de son organisme spécial, suprasensible, extra-délicat, il ne parvenait pas, dis-je, à se remettre de l'émotion violente qu'il avait éprouvée dans la garçonnière élégante, mais perfide, de son fervent admirateur et fidèle ami, cet infortuné comte de Marnay. La mort soudaine du comte de Marnay fut attribuée à un accident. Elle lui causait en d'autres temps peut-être quelque effet, bien qu'en réalité rien ne lui parut assez important au monde pour l'émouvoir, sauf en ce qu'il concernait lui. Antime souffrait, dont le moindre geste, le plus petit mot, à ce qu'il croyait, préoccupait l'univers entier. Mais depuis son aventure dans la garçonnière, il gardait rancune au comte de Marnay. Le trépas de son ami le laissa donc indifférent, ne put, une seconde, occuper sa pensée, et il ne daigna même pas lui consacrer deux vers. Il se vengeait ainsi, lui, poète de cette soirée où, chez le comte de Marnay, il s'était trouvé pris entre deux pickpockets, l'américain James Twill et un autre gentleman. Rien qu'à ce souvenir, Antime souffrait, bien qu'aigle, avait encore la chair de poule. Dans son indignation, plus tard, il fit confidentiellement pour la centième fois le récit de cette nuit tragique à un autre de ses sincères admirateurs. C'était un disciple fervent, à large chapeau de feutre, à longs cheveux mal peignés, à barbe en pointe, longue et tombant sur la veste écharpe noire servant de cravate, remplaçant le gilet et peut-être aussi la chemise, un vrai poète également, de l'école d'Antime souffrait. Ce disciple, quand il ne se gorgeait pas de la géniale poésie du précurseur, quand il ne tournoyait pas, telle une nébuleuse, dans l'orbite rayonnante du soleil majestueux qu'était Antime souffrait, ce disciple s'appelait familièrement l'Amorce. Le précurseur, à quelques soirs de là, consentit à octroyer à son disciple une faveur, celle d'accepter qu'il lui payât à dîner. Ils allèrent donc au Café des Artistes, dans la rue Le Pic, qu'on appelait généralement la Bonbonnière dans le monde des arts, des lettres, des théâtres. Antime souffrait, entre le potage santé, l'escalope de veau, la tarte de la maison et une marmelade de pommes qu'il engouffra, refit encore, surtout pour les oreilles voisines, le récit de son aventure au disciple qui ne la connaissait que trop, mais qui néanmoins, par déférence pour le narrateur, eut l'air d'écouter avec plus d'indignation encore et plus de stupéfaction que les fois précédentes. À une table voisine, un client était venu s'asseoir presque en même temps qu'eux. C'était, croyait-on, un peintre. Ses cheveux étaient blancs, et il portait une large barbe blanche également. Comme tout le monde, il écoutait sans toutefois se mêler à la conversation. Dans tous les cas, poursuivait le poète précurseur, désormais, quoi qu'il arrive, les voleurs, les pickpockets américains ou autres, voire les fameux Z, même le célèbre Zygomar en personne, seront absolument volés s'ils s'attaquent encore à nous. « Comment cela ?» demanda l'Amorce. « Parce que la baronne a pris maintenant ses précautions. En quoi faisant ? Elle met en garde ses bijoux dans le coffre-fort de son mari. Et ce coffre-fort qui se trouve dans le cabinet du baron est un monument, une citadelle inexpugnable qui défie les plus habiles malfaiteurs. » Bonne précaution en effet, mais prise malheureusement un peu tard, comme toutes les bonnes précautions, car la rivière coule loin, si elle coule encore. « Erreur, mon cher, dit le poète, la rivière est revenue. »« Ah bon ? » s'écria l'Amorce, stupéfait. « Je ne vous ai pas dit encore, non ? » ?»« Eh bien, c'est la chose la plus étrange. Figurez-vous qu'il y a deux ou trois jours, la baronne a été appelée confidentiellement à la préfecture de police. Pour le vol ? Non, pour la restitution. » Le préfet a dit à la baronne, « Madame, tout ceci ne sortira pas de mon cabinet, ne sera pas connu du public, rassurez-vous. Nous savons qu'on vous a dérobé, outre des bagues, des bijoux d'un très haut prix, une rivière que vous portiez à la soirée donnée par Madame Guttlar. » Comment ont-ils pu savoir cela à la préfecture ? S'écria la Morse. C'est extraordinaire. Pouah ! Fit Antime Souffret. Les policiers sont là pour ça. Je continue. Le préfet ajouta. Nous savons aussi dans quelles circonstances, malgré l'intervention du célèbre poète Antime Souffret, ce vol a été commis. Ah, il savait aussi, il sait donc tout. C'est son métier à cet homme. Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Je reprends. Or, dit le préfet de police, un de mes agents a eu la bonne fortune de mettre la main au collet d'un voleur cosmopolite, un Américain qui prétend s'appeler James Twill. Votre voleur ? Notre voleur, parfaitement. Ne m'interrompez pas. Mille pardons, ça ne m'arrivera plus. Bien, je continue. L'Américain James Twill, qui fait partie de la bande Zygomar. Bien qu'il eût promis de ne plus interrompre le précurseur à ce nom de Zygomar, le fidèle disciple ne put s'empêcher de pousser un cri de stupéfaction. « Oh, Zygomar !» Et comme si c'était une chose terrible et admirable à la fois, il ajouta « Vous avez été dépouillé par Zygomar !» Modeste, comme toujours, le précurseur opina de ses longs cheveux qui balayèrent la table. « Parfaitement, par Zygomar !» Pour faire un coup de cette audace, pour oser toucher à Antime Souffret, il ne fallait pas moins. Il fallait le plus célèbre, le plus terrible, le plus redoutable des bandits de l'Europe entière, de l'Amérique, de l'univers. Il fallait Zygomar. Ce nom lancé souleva à toutes les tables de la bonbonnière les discussions, fit naître les commentaires, évoqua les souvenirs, appela les récits de nouveaux exploits. Chacun avait son anecdote sur Zygomar. Seul un illustrateur humoriste d'origine écossaise, dont la figure, entre les cheveux touffus et la fluviale barbe noire qui laissait à peine de place, apparaissait comme un loup vénitien en clair sur tout ce poil, niait Zygomar. Cet Écossais, en tant qu'humoriste, avait l'accent de Toulouse. Il ne partageait jamais l'opinion générale et n'admettait que son avis infaillible. « Zygomar ! » s'écria-t-il, d'une voix calme et chantante. « Quelle histoire ! Je ne l'ai jamais vu, donc Zygomar n'existe pas. » Mais son voisin, un homme de lettres, chauve avec trois poils de moustache, sursauta. Il connaissait, lui, Paulin Broquet. Il avait visité la Barbotière, interviewé Zulma. Il avait vu Zygomar. Oui, Zygomar, le maître invisible, il l'avait vu. Les deux amis allaient engager un débat sur Zygomar quand Tim Souffret intervint. Le précurseur, pour réclamer le silence, étendit la main, sa main qui pinçait de la lyre aux cordes d'or, mais qu'il ne lavait pas souvent, et dont les ongles mal taillés dessinaient par une raie noire leur forme comme s'ils rimaient en deuil, et il reprit. Donc, le préfet de police ajouta, cet Américain, James Twill, de la bande de Zygomar, fut arrêté par un de mes agents de la sûreté. Une perquisition opérée chez lui amena la découverte de nombreux et magnifiques bijoux, entre autres, d'une superbe rivière de diamants. Habilement cuisinée, l'acolyte de Zygomar finit par déclarer que cette rivière, il l'avait enlevée à la baronne Vancambre, il dit où et comment. La baronne alors entra en possession de ces diamants ? Oui. Elle laissa en retour pour la caisse de secours des agents quelques billets bleus. Et pour remercier en surplus l'agent habile qui lui rendait ses bijoux et lui envoyait un souvenir, elle demanda son nom. C'est le fameux détective Paulin Broquet. Paulin Broquet ? S'écria la Morse. Ah oui, j'en ai entendu parler. On le dit en effet très habile. Négligemment, le précurseur, qui ne reconnaissait au monde qu'une supériorité, la sienne, répondit. Oui, il paraît. Mais nous n'aurons plus besoin de son habileté. À présent, les bijoux de la baronne sont en sûreté, bien à l'abri, hors de l'atteinte des malfaiteurs, et même l'illustre Zygomar ne pourrait rien contre le formidable coffre du baron. Espérons-le. C'est certain. D'ailleurs, pour plus de tranquillité, quant à moi, mon cher, j'ai déclaré formellement à la baronne que jamais plus je ne m'aventurerai en dehors avec elle, fût-elle ou non chargée de bijoux. C'est prudent. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, que je ne puis me risquer dans des rendez-vous hasardeux où ma qualité de poète, mon caractère élevé de précurseur, la dignité enfin de la grande mission qui m'est dévolue en ce monde risquerait en soi peu de se trouver compromis. La mort s'affirma qu'il comprenait très bien cela, et il approuva fortement le précurseur de sa décision sage et prudente. Sans sourciller, il déclara « Un poète comme vous ne peut courir les risques d'un simple mortel. Non. » appuya Antime Souffret. Mais, insinua l'amorce, cela va vous forcer à cesser les séances de poésie et de musique avec la baronne. Le précurseur secoua la tête. faisant autour de son front contenant tant de pensées géniales, voltiger ses cheveux comme un chasse-mouche. « Point, fit-il, point, au contraire. » Et comme il était la discrétion même, confidentiellement, à haute voix, il ajouta « Au contraire, c'est à l'hôtel même de la baronne que ces séances poétiques désormais auront lieu. » « Chez la baronne ?»« Oui, cela est beaucoup plus sûr, et me dérange infiniment moins. » Toujours avec la même discrétion, il poursuivit « Je dois même vous annoncer, mon cher ami, que précisément, jeudi de la semaine prochaine, j'aurai avec la baronne, le soir, après dîner, une séance au cours de laquelle la baronne me fera entendre la nouvelle musique qu'elle vient de composer sur mes vers. « Jeudi de la semaine prochaine ?» demanda incidemment le fidèle disciple. « Oui. » Le peintre à la grande barbe blanche, en entendant ces derniers mots, machinalement tourna vers le poète et son disciple ses yeux curieux. Il semblait fort intéressé par tout ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi ce jeudi ?» demanda l'amorce. « Est-ce une habitude hebdomadaire ou une exception ?»« C'est une date que les circonstances nous font choisir, » répondit Antime Souffret. « En effet, ce soir-là, le baron doit se rendre à un grand dîner d'actionnaires. Il y a une fête quelconque à laquelle le personnel de la baronne a demandé à assister. La baronne a accordé volontiers congé, ne conservant que le cuisinier et le maître d'hôtel pour nous servir. » Avec une admirable inconscience, le précurseur ajouta « Nous aurons ainsi tous ce grand hôtel absolument désert, silencieux, calme. Nous pourrons, sans être par rien troublés, par personne dérangé, nous délecter de ma poésie et entendre la musique de la baronne. » Il conclut « Ah, ce sera une charmante soirée !» Et pour savourer par avance le charme de cette soirée de jeudi de la semaine prochaine, il accepta volontiers les bocs que lui offrit l'amorce dans un café de la Place Blanche. L'amorce se mit à fumer sa pipe, tout en laissant parler de son génie le poète précurseur qu'il n'écoutait pas. Cependant, il arriva un moment où ce bourdonnement de paroles pompeuses et creuses le fatigua quand même. L'heure venait aussi à laquelle il devait retrouver son chef. Il régla les consommations et entraîna le poète. Antime Souffret avait bien parlé, beaucoup bu. Ses jambes ne pouvaient supporter sa gloire. Ses pas étaient aussi irréguliers que sévères. L'amorce charitablement le prit par le bras pour lui faire traverser la Place Blanche, puis il le remonta jusqu'au haut de la rue Lepic. Il l'abandonna dans le voisinage de la maison où le poète avait établi son logis et d'où il croyait dominer Paris, d'où il se plaisait, par la lucarne qui lui servait de fenêtre, à voir la ville lumière s'étendre et comme s'agenouiller à ses pieds. Peu après, l'amorce se trouvait chez Paulin Broquet, à qui il rendait compte de l'emploi de son temps. Ce qui intéressa principalement Paulin Broquet, ce fut la date du jeudi la semaine prochaine à laquelle la baronne et le précurseur devaient se rencontrer. « Bon, fit le détective, il est clair comme Aude Roche que si ce n'est pas déjà un coup préparé par Zigomar, certainement Zigomar ne manquera pas de tenter quelque chose ce jeudi-là. » L'amorce ajouta. Antime Souffret d'ailleurs pisté par les aides. « C'est peut-être, dit en riant Paulin Broquet, pour ses rimes d'or. Plutôt pour avoir par lui quelques renseignements sur la baronne dont ils ont besoin, et qu'ils ne peuvent, en toute logique, demander au baron. C'est assez juste. De plus, chef, nous avons été rejoints, au restaurant des artistes, par un brave homme de peintre ancienne formule, à grande barbe blanche, qui, sans en avoir l'air, prenait grand intérêt à tout ce que débitait le précurseur sur ses amours éthérées avec la baronne. Et ce peintre était le baron Dupont, n'est-ce pas? Vous l'avez nommé. Bien. » Paulin Broquet garda le silence. Il alluma une nouvelle cigarette, puis il dit à ses lieutenants « Donc, le coup est pour jeudi prochain. C'est parfait. Nous verrons ça. »